Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Seigneur, nous voulons te célébrer avec des cris d'acclamation parce que tu es là. Because you are among us. You are here, Lord. Waymaker. Acclamons le Seigneur très très fort. Acclamons très fort le Seigneur avec des cris de joie, des cris de célébration. À lui la gloire. Yahweh! Le Dieu qui fraye le chemin, le Dieu qui établit, le Dieu qui renverse les lois établies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 45, du 4e au 11e verset. Et puis nous allons lire le 25e jusqu'au 27e dans le même chapitre. Après, nous allons revenir en Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 11. Disons au nom de Jésus-Christ. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous effrayez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans les pays et pendant 5 années encore, il n'y en aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans les pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé son fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tardez pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et tu ne périras pas, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Amen. Jean chapitre 17. 11 à 19, par la grâce de Dieu, avec le temps que nous avons, que Dieu nous fasse d'atteindre ses objectifs. Jean chapitre 17, 11 à 18. Il est écrit ce qui suit. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je l'ai gardé à ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition a fait que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné la parole Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je t'ai pris de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est ta vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Et aidez-moi à dire à la personne à côté, tu es déjà béni dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons avoir un texte, un thème, une pensée globale, mais je vais parler beaucoup plus d'une pensée beaucoup plus spécifique. Ici, la grande pensée, c'est l'intimité, la profondeur de l'intimité avec Dieu. Mais le thème que nous allons développer ce matin, ce sont les paroles que Joseph a prononcées pour son père. Il a dit, vous lui direz, tu habiteras à Goshen, près de moi. Et donc le thème de ce matin, tu habiteras à Goshen, près de moi. Vous pouvez m'aider à le répéter à la personne à côté. Près de moi. C'est une pensée assez large, qui a beaucoup de chapitres. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'atteindre les objectifs de Dieu pour ce culte. Nous sommes dans un contexte de la phase d'une vie d'un homme, l'un des patriarches. Et nous pouvons voir que c'est la deuxième ou la troisième génération, parce qu'il y a Abraham, il y a Isaac, maintenant il y a Jacob. Mais nous sommes dans une étape importante de la vie du patriarche Jacob. Qui, du reste, à l'époque, il est l'image de tout ce qu'Israël est devenu et ce que sera l'Église plus tard. Ici, Jacob a eu ses fils, il a eu ses femmes, il a une histoire. Mais quelque chose va se produire dans sa vie, c'est qu'à un moment où il s'attendait le moins, un moment où il avait beaucoup d'espoir sur un fils, on va venir lui annoncer qu'il y a un enfant qui est mort, dévoré par une bête. Et donc, à cette étape, Jacob a les 11 fils et un n'est plus parmi eux. Pour ses frères, il est parti il y a longtemps, mais pour Jacob, il est déjà mort parce qu'il y a eu un deuil. Ils sont venus avec des habits, ils lui ont montré le sang, ils ont dit, est-ce que tu peux retrouver, tu peux reconnaître ces habits? Il a dit, oui, ce sont les habits de mon fils. Et la Bible dit qu'il était dans la douleur et son cœur était devenu froid. Pas seulement parce que Joseph est mort, mais parce que Joseph représentait plus qu'un fils. La première chose, la valeur de Joseph, c'est que Joseph était l'image, était le souvenir de Rachel, pour laquelle Jacob était prêt à donner 14 ans pour l'avoir. Et son amour pour Rachel, il pouvait le déverser, le déployer sur Joseph. Quand il voyait Joseph, il voyait en lui ses premiers amours qu'il a excité et qu'il a été prêt à tout payer pour l'avoir. La deuxième valeur de Joseph, c'est que Joseph n'est pas un fils ordinaire. La Bible dit que lorsqu'il a reçu la révélation, que le soleil et la lune et 11 étoiles vont s'incliner devant lui, Jacob a dit à son fils, tu veux dire que moi et ta mère avec tes frères, nous allons nous incliner sur tes pieds? Joseph n'a pas réagi parce qu'il était enfant, il ne savait pas ce que ça signifiait. Mais la Bible dit que Jacob gardant ces choses dans son cœur. Et donc Joseph représentait une image, un fils par qui passera la grâce de la famille. L'élévation de la famille passera par ses fils. Il le voyait avec un regard différent. Il voyait Joseph avec un regard différent parce qu'il sait, si la grandeur arrivera dans cette famille, je vois déjà les traces. La troisième chose, c'est que Joseph était celui qui ramenait les informations auprès de son père. Il était trop proche de son père et il l'aimait beaucoup. Mais attention, la douleur de Jacob est à son comble. Les calculs démontrent que c'est 22 ans plus tard que cette information lui arrive. Quand Joseph monte en Égypte ou quand Joseph est mort, selon son père, parce qu'il y a eu un deuil, c'était un jeune homme de 17 ans. Mais ici, les calculs montrent que c'est lui qui envoie le message, c'est un papa jeune qui a autour de 39 ans, parce que c'est 22 ans après. Il aurait fait 3 ans chez Potiphar, 10 ans à prison, 7 ans en train de gérer l'abondance, et 2 ans, il est en train de gérer la famine. Au tout pour tout, ça fait 22 ans. 22 ans qu'il a fait son deuil, 22 ans qu'il n'a pas eu de traces. Probablement, lorsqu'on a dit qu'une bête l'a dévoré, il a lancé des missions de prospection dans la région pour dire, est-ce que personne n'a pas vu les traces de mon fils? Si une bête féroce dévore quelqu'un, il y a quand même les traces des os qu'on peut retrouver. On n'a eu aucune trace de Joseph. Et il était déçu et découragé. Il a amené les gens, il pouvait dire, c'était notre saison. Il dit aux voisins, nous sommes en deuil. Si c'était avec les technologies, on allait écrire RIP Joseph. Et tout le monde a pleuré, ce jeune homme. Il était beau, il était bon, il était ceci. Ils ont pleuré. Ce qui est grave, ceux qui ont monté sa mort ont accompagné aussi leur père dans le deuil. Il pouvait aussi accompagner le père. Il dit, Mouti et Bash, Manati et Bash. Ils savent qu'il n'y a pas eu mort. Et on voyait le père s'embrouiller. Il dit, non, il faut amener ceci. Ils sont calmes, ils travaillent avec lui. Si ses enfants étaient forts, ils étaient vraiment de vrais hypocrites. Ils sont restés avec leur père. Durant 7 ans, ils n'ont jamais dit à leur père ce qui s'est réellement passé. Et le père est resté dans le deuil. C'est seulement quand la famine arrive qu'ils reviennent pour dire nous devons aller chercher le blé en Égypte. Ils sont partis la première fois. Et quand ils reviennent la deuxième fois, ils disent, papa, nous avons besoin de Benjamin. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? C'est un enfant. Vous pouvez porter seul. Il dit, l'homme qui nous donne le blé a besoin de Benjamin. Il dit, vous voulez que je meure dans la douleur? Rachel est partie. Joseph est mort. Et s'il arrivait quelque chose à Benjamin, je serais le plus malheureux. Aidez-moi à aller négocier autrement ça, Benjamin. Ils lui ont dit, c'est niet. L'homme a dit, si nous ne venons pas avec lui, c'est niet. Et il a libéré ce jour-là Benjamin. Il est parti avec eux. C'était le dernier voyage. En fait, il les attendait avec des espoirs. Est-ce que ces jeunes gens ne vont pas revenir avec les mêmes histoires? Keulena et Alikouf. Pendant qu'il était dans le désespoir, le découragement, il était sidéré. Ils reviennent avec une histoire inimaginable. Joseph vit encore. Il ne le croit pas. Joseph, c'est lui qui gouverne l'Égypte. Il ne le croit pas. Mais pas seulement c'est lui qui gouverne, mais il a dit que tu habiteras dans le quartier huppé de l'Égypte. La Bible dit que son cœur est resté froid jusqu'à ce qu'il a vu l'épreuve de la grandeur, les chars. Il dit, même si ces jeunes gens sont courageux et ils peuvent mentir, mais la capacité d'avoir des chars d'une armée, ce n'est plus un montage. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon fils, je les verrai. C'est là que nous sommes. Israël, qui est Jacob, passe par un moment difficile, 22 ans de deuil, 22 ans de silence de Dieu. À partir du chapitre 37 de Genèse, on a l'impression qu'on a mis une pause sur la vie de Jacob, parce que dans la famille, on ne parle plus de ce qui se passe en famille. L'histoire a continué avec Joseph. L'histoire continue avec Joseph, mais il y a un silence, 22 ans de silence. Je ne sais pas qu'est-ce que pensait Jacob. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, parce que nous voulons tirer les leçons, que Dieu, lorsque nous l'invoquons, il a le pouvoir de nous informer de ce qui se passe, mais aussi il peut se taire de ce qu'il fait. Même quand Dieu ne dit mot sur ce que toi tu as demandé, il y travaille. Chaque requête qui monte jusqu'au trône de Dieu, chaque prière qui monte jusqu'au trône de Dieu, a certes un feedback, a certes une suite. Le problème, c'est le cœur de l'homme de croire que Dieu y travaille. Nous prions pour plusieurs requêtes. Un moment, nous avons l'enthousiasme de les présenter à Dieu. Dans certaines prières, au début, vous amenez même des enveloppes, vous mettez devant. Il y en a qui ont amené des dossiers, qui amènent devant. Mais après un certain moment, tu sens comme si j'ai mis les enveloppes, mais ça n'a produit aucun effet. Je priais, ça n'a produit aucun effet. Maintenant, on vient adorer Dieu par respect. Il y a même des témoignages qu'on donne à Dieu par respect, mais en réalité, on sait qu'il n'agit plus. On essaie de colmater quelque chose pour honorer Dieu, mais en réalité, tu sens que Dieu n'agit plus. Mais le même Dieu qui était considéré comme n'agissant plus, il était en train d'agir dans les secrets. Jusqu'au jour où un message arrive, il lui dit, il vit. C'était la résurrection en fait. S'il est mort, c'est qu'il est ressuscité. Pas seulement il vit, mais ce qu'il avait vu, c'est accompli. Ce que tu as cru, c'est accompli. Le Dieu qui donne la promesse, le Dieu qui donne la parole, il est capable de l'accomplir, quelles que soient les circonstances. Même quand le silence est long, la Bible dit, attends-la, parce que c'est lui qui a donné la promesse et fidèle. C'est dans le découragement que nous commettons des erreurs. C'est dans le silence de Dieu qu'Abraham s'est embrouillé avec la servante. Mais Dieu ne s'était pas encore désengagé par rapport à la prière et à la demande d'Abraham. Église, nous avons besoin de la persévérance. Pour changer certaines circonstances, nous avons besoin de persévérer et de croire, même quand aucun signe ne nous donne plus le droit de croire. Il arrive des moments où rien ne vous donne le droit de croire. Mais je crois parce que je crois, point. Je ne crois plus parce que j'ai des arguments pour croire. Mais je crois parce que je crois que Dieu est capable. Je crois qu'il peut tout. Je n'ai plus de paroles. Je n'ai plus de mots pour vous convaincre. Mais je crois que je crois. Bien-aimé, l'exaucement de ma requête n'est pas nécessairement l'indicateur de la présence de Dieu. Il est possible que Dieu soit présent, même quand ma requête n'a pas encore quelque chose qui brille. Mais Dieu est là. Aidez-moi à dire à la personne côté, Dieu est là. L'Éternel est présent au milieu de nous. Et la consolation de Dieu est venue vers Jacob pour lui dire, tu peux encore espérer. Mais la deuxième pensée par rapport à Jacob, c'est que lorsqu'on prononce le mot Goshen, ici ça n'a pas encore de signification, mais c'est le lieu de la reproduction. Vous savez, l'image de la vie de cet homme, de Joseph, c'est presque l'image de son père. Jacob quitte la maison de son père pour aller chez Laban. Il a fui son frère. Il avait des problèmes avec son frère. Mais c'est là qu'il va se multiplier. Et lorsqu'il est revenu, il a dit, je suis passé ici avec un bâton, mais je reviens avec deux camps. Mais il est en train de connaître une autre expérience chez Laban. Il a connu 7 ans deux fois. 7 ans pour servir pour Léa et 7 ans pour servir pour Rachel. On peut voir en Rachel l'abondance dans les enfants de Jacob. Parce que c'est Léa qui va donner les 10 fils et Rachel va donner 2 fils. On peut voir une similitude qui avait l'abondance dans les premières 7 années de Jacob et l'abondance et la sécheresse dans les 7 deuxièmes années. Et donc, Joseph est en train de rencontrer les mêmes réalités. Mais c'est dans cet environnement qu'il y aura la reproduction. Il va aller à Goshen. Plus tard dans la révélation, au niveau de Nombre et d'Exode, on va voir que c'est à Goshen que le peuple va se multiplier et ça va s'accomplir la promesse de Dieu qu'il a donnée à Abraham. Il dit, ton peuple, ta descendance sera comme le sable de la mer. Ils sont montés à 70, mais quand ils ont quitté Goshen pour revenir à Canaan, ils étaient plus de 3 millions. Jacob ne savait pas que quand Dieu était en silence, était en train d'aménager l'espace de sa multiplication. Il ne savait pas que quand Dieu était en silence, il était en train de faire plus grand que Rachel, plus grand que Joseph, plus grand que ses pensées. Il était en train d'aménager une place dans l'hostilité. Ces jours-là, si Jacob n'a pas eu la révélation sur les 7 ans x 2 qu'il a eu, mais l'avantage de Joseph, il a eu la révélation sur les 7 ans qu'il va rencontrer. Je prie à quelqu'un ce matin que Dieu te donne la révélation des moments que tu traverses. Il y a des temps que tu traverses qui doivent avoir un nom. Si les premières 7 années de Jacob de travail avaient le nom de Léa, les deuxièmes secondes années avaient le nom de Rachel. Et il savait capitaliser. Et c'est plus tard qu'on se rend compte que réellement, les 7 années de Jacob qu'il a passé pour travailler pour Léa, c'est ça qui lui a donné une destinée glorieuse. Parce que c'est de Léa qu'est né Judas et Lévi. Lévi qui sera le sacrificateur et Judas qui va être par qui viendra le Messie et qui portera la royauté. C'était l'abondance de Jacob. Mais maintenant, son fils est en train de gérer une autre abondance. Et il s'étend sans que cela n'arrive chez son père. Maintenant, il est à 2 ans de la disette. 2 ans de l'humiliation. 2 ans où ça va sécher partout. Il se révèle à ses frères. Mais Dieu avait un objectif à communiquer à l'homme de Jacob. Je vais prendre d'abord la première partie. C'est l'image que représente Joseph aux côtés de Pharaon. Et dans la deuxième partie, je vais parler de la signification de ces messages pour les 3 personnes qui reçoivent ces messages. La première personne ou le premier groupe de personnes, ce sont les frères de Joseph. La signification de « Tu habiteras à Goshen ». La deuxième catégorie, c'est Joseph lui-même. La troisième catégorie, c'est Jacob. Ça signifie quoi dans ses oreilles? Laissez-moi parler seulement de ces 2 dimensions et la suite, par la grâce de Dieu, on la verra après. La première dimension, c'est que lorsqu'on voit Joseph aux côtés de Pharaon, vite ça saute à l'esprit que c'est l'élévation. Et tout le monde peut chanter que non, il va accéder à l'argent, il va accéder à la gloire, il y a des chars à ses côtés. Oui, c'est possible de voir cela. Mais je vais ici nous faire remarquer que ce que Dieu veut nous communiquer, il ne s'agit pas d'une élévation matérielle, mais il s'agit plutôt d'une imposition d'esprit là où Dieu veut que cet esprit règne. Pharaon, c'était un esprit, il était Dieu. On peut le voir dans Exode, lorsque on voit les magiciens qui l'entourent, le pouvoir de Pharaon, c'était un pouvoir soutenu par la magie, la sorcellerie. Il faisait les miracles. Et plus tard, on peut voir en lui un homme qu'on pouvait adorer. C'était un esprit. Et lorsque Joseph est à côté de lui, si nous voyons seulement le côté des habits resplendissants, nous serons en train de nous tromper. Nous voyons deux esprits qui dominent dans un royaume qui n'était pas le leur. En réalité, Canaan a été donné à Abraham, c'est pas l'Égypte. Et donc, si il devait régner, il devait régner à Canaan, parce que c'est ça la terre de la promesse faite à Abraham. Comment Joseph vient se retrouver en Égypte, au milieu de sorciers, au milieu de la magie, au milieu de gens qui n'ont rien de connexion avec lui? Parce que lorsque Dieu veut et décide à atteindre son objectif, il imposera ceux-là qui sont à lui, même là où on les haït. Quand vous voyez la vie de Joseph, les menaces qu'il a connues au milieu de ses frères, la menace qu'il a connue dans la maison de Potiphar, la souffrance qu'il a connue au niveau de la prison, on peut se rendre compte que ce n'est plus un combat de Joseph, c'est un combat d'esprit, c'est un combat de génération. Parce qu'en fait, c'est par Joseph qu'arrivera le miracle de la reproduction. C'est lui qui va préparer le terrain pour que la promesse d'Abraham s'accomplisse. Et donc les esprits qui ont perçu cela avant ont commencé à faire la guerre contre Joseph. Je vais dire à quelqu'un ou à l'église ce matin, le monde dans lequel nous entrons, ce n'est pas un monde matériel seulement, c'est aussi un monde d'esprit. Tout ce que nous faisons peut avoir deux dimensions, la dimension de l'impact matériel ou physique, mais la dimension aussi de l'impact spirituel. C'est pourquoi il y a des choses que vous ferez naturellement et des choses que vous ferez par l'esprit. Il y a les portes que vous ouvrirez par vos compétences naturelles. Vous avez tel diplôme, vous avez telle relation, vous avez telle capacité. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est pourquoi je soutiens que ceux qui travaillent dur doivent percer dans la vie. Ceux qui travaillent sur l'économie doivent s'imposer dans l'environnement. Mais je sais aussi que les forces physiques ont leurs limites. C'est dans la vie sociale que vous vous rendez compte, on vous informe que ce que vous avez atteint, c'est bon. Mais les aspirations ici au-dessus, vous ne pouvez pas y entrer. Vous allez dire pourquoi? Pourquoi je ne peux pas aller là-bas? On vous dit pour aller ici, ce n'est plus un monde des humains fait de la poussière. C'est un monde des esprits. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1 verset 26, la Bible dit: faisons l'homme à notre ressemblance. Il dominera. Il assujettissera. Si vous analysez bien ces textes, vous allez comprendre que ce n'est pas l'homme qui est tiré de la poussière qui va dominer, mais c'est plutôt la ressemblance de Dieu en lui qui va assujettir la nature. Et si nous comprenons, nous allons voir que, oh, le monde peut respecter à un moment donné ce que je suis, parce que je suis référé à telle université, je suis référé à telle tribu, mais à un certain moment, ces choses auront des limites. Et on va demander quel est l'esprit qui est derrière tout. C'est pourquoi même dans l'église, on peut voir des gens qui étaient assidus dans l'œuvre rejoindre les loges. Parce qu'on lui a dit, écoutez, cette porte, tu ne peux la franchir que si tu es un esprit. On te pose la question, quelle est l'identité de l'esprit qui est en toi? Vous avez bien aimé, à l'époque, il y a eu la grâce d'être élevé au rang, je pense, de ministre, et il était au ministère de la Défense. Et quand il était là, il était dans le bureau, il priait beaucoup à l'époque. Et il voit des agents, les fonctionnaires du ministère, qui s'approchent de lui un moment, qui lui posent la question, « Mais chef, vous êtes de quelle tendance ?» Ce n'est pas parce qu'on veut seulement savoir il est quoi, mais on veut seulement lui rappeler que pour régner ici, en tout cas, on doit avoir une identité. Et cette identité doit avoir le droit de dominer. L'identité, c'est une chose. Et le droit de dominer, c'est une autre. C'est pourquoi il y a des prières que nous faisons à l'église, que nous aimons très bien. On dit, ça doit être pris par les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui doivent diriger. Ce sont les chrétiens qui doivent faire ceci. Je vais vous choquer ce matin. Il y a des postes qui ne sont pas des postes des chrétiens, mais qui sont des postes des esprits. Quand vous allez arriver là-bas, vous dites, je suis chrétien, on dit oui, mais continue, on veut savoir c'est quoi. Est-ce qu'être chrétien, vous avez le droit de régner sur nous? Vous avez le droit de donner l'ordre? Vous avez le droit de changer les circonstances? Vous avez le droit d'influencer les destinées? Nous avons un besoin du plus que ce que nous voyons en toi. Alléluia. Enfant de Dieu, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un pour dire les compétences, les capacités, le courage, les bonnes valeurs, même la bonne volonté et la bonne foi ont leurs limites. Oh, on a besoin d'une bonne personne. Oui, une bonne, c'est vrai. Mais il y a quelque part, on va besoin de savoir quel est l'esprit qui domine en vous. L'objectif, c'est de pousser le peuple de Dieu à aller dans la profondeur, à ne pas rester superficiel. Ce qui va garder Joseph 14 ans dans cet environnement de sorcier, ce n'est plus les études d'économie, ce n'est plus les connaissances en sciences financières, ce n'est plus ses expertises, c'est l'esprit qui dominait en lui. La profondeur de Joseph lui a donné de rester au milieu des magies. On peut le sentir dans le langage de Pharaon. Pharaon connaissait les sorciers qui étaient avec lui. Il savait que tel est dans telle loge. Si c'était dans notre saison, il savait tel est dans la maïcarie. Tel, toi tu es dans la franc-maçonnerie. Toi tu es dans la Rose-Croix. Toi tu es dans tel CWS. Toi tu es dans ceci. Il connaissait tout le monde. Mais lorsqu'il présente Joseph, il dit, je connais chacun de vous. Et je connais d'où il vient, où il tire sa magie. Mais le type d'esprit qui est dans cet homme, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous avons la magie indienne, nous avons la franc-maçonnerie, nous avons les Rockefeller, nous avons la magie katangaise, nous avons ceci. Oui, c'est vrai, mais ça, nous n'avons pas. Mais pas seulement nous ne l'avons pas, mais je me rends compte que si on doit chercher quelqu'un qui va prendre ses plans, c'est cet esprit. Peut-être le premier ministre d'hier, il venait de la Rose-Croix. L'avant-hier, c'était la franc-maçonnerie. Mais maintenant, face à cette circonstance, on n'a plus besoin de ces loges. Nous avons besoin de cet esprit. Lorsqu'il se présente à ses frères, il dit, je suis le maître de Pharaon. C'est mon maître. Dans le domaine mystique signifie que je domine sur les autres esprits. Parce que quand il fait sa présentation, il dit, je suis le père du Pharaon, je gouverne l'Égypte, mais aussi je suis le maître. Ça veut dire chaque présentation avait sa signification. Mais quand nous le comprenons ordinairement, on prend ça légèrement. Mais il pouvait montrer que s'il y a des sorciers ici, c'est moi. Dans un autre langage, on dit, je suis le ministre le plus influent. Je suis l'homme qui domine sur tout le monde. Mais bien aimé, ça ne peut pas arriver seulement parce que tu parles français, parce que tu parles anglais, parce que tu portes une belle veste, parce que tu as étudié dans une bonne académie, ou parce que tu étudies à l'Arche, mais parce que tu es discipliné par rapport à ta loge qui est ton église. Bien-aimé, il y a beaucoup d'indiscipline dans l'église. Ça nous rend échouant avant de commencer la marche. Il y a un collègue qui est à l'ombre de la mort, comme papa aime le dire. Il prend sa bière, il est calme. Il est dans les femmes, il est dans les hommes. Il est calme. Mais vous savez que dans la sorcellerie, il y a des choses qui arrosent la sorcellerie. Il y a des gens qui font l'impudicité pour arroser la magie. Il y a des gens qui boivent des liqueurs pour arroser la loge. Et toi, tu es dans une ligne à côté de cette ligne. Tu es aussi en train d'arroser avec les mêmes choses. Si ce qu'il arrose avec va l'aider à monter, si toi tu arroses avec ça, ça va te tuer. Parce que ce qui est en toi est incompatible avec ce que tu cherches. Comment veux-tu utiliser les armes de l'ennemi pour gagner l'ennemi? C'est inconcevable. Si tu veux que ta puissance domine, alors travaille sur ça. Il y a des témoignages frustrants, je l'ai déjà dit ici. Il y a des collègues qui arrivent au bureau, il fait le tour du bureau et chaque jour il est au lac, chaque jour il est au cimetière, chaque samedi il est dans le rond-point. Il est discipliné dans son axe. Mais toi, au nom du fatigue, tu ne pries même pas le soir. Tu laisses la prière aux enfants. Les enfants prient, ils prient 3 minutes et puis c'est l'enfant de 3 ans qui prie. Il dit, béni papa, il dit, ok, je dors. On va t'égorger. On va t'égorger. Pendant ce temps, il est sur 5 cimetières. Pendant ce temps, il a appelé un magicien de l'Orient. Pendant ce temps, quelqu'un est venu du Nigeria pour le travailler. Et le lendemain matin, vous tous à veste et cravate. Vous êtes devant le bureau. Vous êtes un homme mort. L'autre, quand l'année commence, il prend ses enfants, il les amène quelque part, il amène quelqu'un, Banamuteme Amate, on lui oint l'huile à l'école, Zambasalitayo, et ceci, il dit des choses sur les enfants. Toi, les enfants, tu les amènes, même le lundi où tu les as amenés, tu n'as même pas prié. Moins de tout. Tu ne sais pas que même l'enseignant et les responsables de l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait en début d'année? Moins de tout. Allez, pas à 60%. Le monde n'est pas fait seulement de pourcents. Le monde est aussi fait d'esprit. Quand vous avez une élévation, vous avez un nouveau poste, la tendance, c'est d'aller prendre du champagne. Alors, chez Cap qui vous, aujourd'hui c'est Serena, tout coule, tout fouraille, tout m'épanne. Oh! Quand vous montez, le combat aussi s'élève. Plus vous allez dans les hauteurs, plus les vents sont plus forts. Et donc la célébration de l'élévation ne devait pas se faire autour des frites. Ça devait se faire dans le lieu saint. Si j'avais un seul intercesseur qui priait pour moi, j'allais ajouter 10. L'Église, nous sommes partis dans l'inversion des valeurs par rapport à ce qui fait notre force. Lorsqu'on est caporal, on prie beaucoup. Lorsqu'on est chômeur, on prie beaucoup. Mais le jour où on va me nommer général, je suis là, banipépoule, parce que je suis grand. On va te tuer. Le jour où tu es élevé en grade, c'est ce jour-là que tu montres que, bon, en tout cas, on travaille beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de l'Église se trouve dans le secret de sa force. La puissance que nous aurons devant le monde sera dans la puissance de la découverte de qui nous sommes. Le diable n'arrêtera jamais de travailler. Lorsqu'il y a des élections, il aura toujours ses lieutenants. Lorsqu'il y aura création d'entreprises, il y aura toujours des satanistes. Et Dieu ne nous a pas dit qu'il va éliminer les satanistes. Ils seront là. Même dans l'église, nous avons ici 2000 ou 3000 dans un culte. Bien-aimés, même dans les cultes comme ça, vous ne pouvez pas penser que nous tous ici, on est venus pour la cause de Dieu. Allô? Je ne dis pas que c'est la personne à côté de toi, mais je dis que nous tous. Donc, si dans 12 disciples de Christ, il y avait un infiltré du diable, papa, dans 2000 personnes, vous avez combien de filtres? Et vous êtes distrait, vous regardez à côté, à gauche, quand le culte est là ou qu'on distrait. Tu ne connais pas celui qui est à côté? Et oh non, il y a diplôme d'État, on vous jette la farine, tu n'as rien à l'université. Il y a des professeurs qui travaillent chaque début d'année. Les universités ont tué beaucoup de destinées. Beaucoup de gens étaient vrais quand ils étaient à l'école secondaire. Mais quand ils arrivent à l'université, il y a des professeurs qui vous disent clairement que personne ne peut réussir dans mon cours s'il n'est pas initié. Clair. Et vous allez là-bas, avec vous changez seulement de couture. Hier, tu étais en jupe, là, on me voit là, Nicolas ou quoi. Vous pensez que ça change des choses là-bas? Il faut aller armé. Je vais encourager l'Église à rechercher l'Esprit qui nous élève au-dessus des autres esprits. Les cantiques peuvent être célèbres, mais on vous montrera que la célébrité n'est pas liée à la beauté du cantique. La célébrité est liée à l'esprit qui agit avant le cantique. Il y a des gens qui ont prononcé des paroles simples et qui ont fait danser le monde. Ils disent, et les gens aiment ça. Tu ne sens pas ce qu'il dit, mais vous êtes emportés. Même les chrétiens, quand ça fait passe à la radio, on a ce qu'il y a Mugulu Kula Five. Tu ne comprends pas. Il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Et si l'homme, en tant qu'enfant de Dieu, nous pensons que nous allons subsister au milieu de toutes ces réalités, nous devons travailler sur l'esprit qui opère en nous. La légèreté nous a poussés à être comme des victimes. Oh non, il y a des francs-maçons. Oh non, basi kule ni bacha, oui, Dieu tu lui toka. Et kisha. Et après. Et après, nous avons le droit de nous réunir, n'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'eux n'ont pas le droit de se réunir? La constitution garantit la liberté de culte, mais on ne dit pas là, le culte après de qui? Un jour on était en train de prier ici, et il y avait quelque chose qui s'est passé au pays, et quelqu'un m'a appelé, il était loin, il m'a dit: nous venons d'avoir l'information que dans un hôtel de la ville, tel jour et tel jour, ils vont faire leur rassemblement là-bas. Ils sont autant, ils viennent de telle part et de telle part, ils seront dans tel hôtel. On a même cité l'hôtel. Et c'était une alerte au niveau des frères qui connaissaient ça. Et après, ils vont se réunir. Ils vont faire la sorcellerie. Et nous le savons. Alléluia. Conscient de cette réalité, c'est pourquoi Joseph ne pouvait pas s'amuser avec la position qu'il avait. Il savait que quand je quitte l'église, là juste dehors, il y a des esprits qui m'attendent. Même quand je viens dans l'église, il y a des gens qui entrent avec nous, qui ne suivent même pas la prédication. Ils travaillent pour que le micro y ait une vie, que les pasteurs manquent le vocabulaire, que ceux qui comprennent ne comprennent pas bien, ils sont là. Et on ne va pas les empêcher d'arriver parce que le protocole n'a pas un spiritualomètre pour savoir où nous sommes Mouzouri, où nous sommes Moubaye. Mais quand vous avez un esprit supérieur, vous allez dire aux sorciers: venez aux réunions, venez participer. Mais vous allez dire aussi à Jacob: tu habiteras à Goshen, parmi ces sorciers, parce que la puissance qui marche avec toi, elle est supérieure à la puissance de ceux qui sont à Goshen. Tu t'établiras à Goshen, tu seras multiplié, et la grâce de Dieu sera sur toi. Pas parce que les Égyptiens le veulent, mais parce qu'il y a un Dieu qui a choisi que tu prospères. Je vais dire à quelqu'un ce matin: tu prospéreras, quelle que soit la méchanceté des hommes. Tu prospéreras, quel que soit le nombre de sorciers. Tu prospéreras, quel que soit le nombre de la magie. Tu prospéreras, quelle que soit la puissance de ta colline. Tu prospéreras, quel que soit les bics magiques. Tu marcheras, tu monteras, tu seras élevé, tu s'élèveras, tu monteras. Bien-aimé, aidez-moi à dire à la personne à côté: monte frère, ou monte sœur. Monte. Vous nous rendez comme des échecs partout. Vous arrivez là-bas, oh non, c'était l'entreprise. Oui, nous avons quelqu'un qui étudie à l'arche. Ah, mais le type là, c'est un aventurier. Oh, oui, non, la sœur là, c'est elle qui est aussi. Oh, ah non, où le wapi? Où le pasteur Mouchachindwa? Il faut m'onger, c'était la dose à Maombi. Donc, pendant que tu veux te vanter, que non, non, non, le frère qui est là, le directeur, non, non, c'est nous. Il dit: oui, oui, c'est vous. Mais si c'est vraiment ça vous, donc c'est grave. Hein? Parce que telle est partie sans la puissance de la domination. Tu ne peux pas commencer ta journée sans la prière. Tu ne peux pas entrer dans un environnement hostile et tu es à l'aise mercredi à 12h. Léon, tu n'as pas la prière professionnelle. Les papiers là peuvent partir, mais la puissance de Dieu est capable d'influencer ton bureau. Joseph a dit: Dieu m'a fait précéder pour que vous ayez les saluts. Je peux être le premier à précéder dans mon entreprise pour apporter les saluts dans ma maison. Il y a des gens qui ont été sauvés parce que des collègues ont prié pour eux. Il y a des entreprises qui ont été sauvées parce que quelqu'un, il est le juste qui prie pour cette entreprise. Il y a des universités qui ont été bouleversées parce qu'un homme a décidé de prier. Bien-aimés, vous êtes venus en premier, pas seulement pour jouir seul, mais pour être la source du salut. Notre papa nous dit souvent, nous sommes la lumière des nations et porteurs de salut. Dis à la personne à côté, tu es porteur de salut. Mais fais monter l'esprit en toi. Le salut, on ne le porte pas par nos mains. Le salut, on ne le porte pas par l'apparence. Mais ce qui porte le salut, c'est l'esprit. Lorsque l'esprit en toi monte, le salut agit encore plus. Imagine-toi si, entre guillemets, si on informait que tout le monde ici est sorcier. Hein? Et on dit, les sorciers se sont réunis à Office de Route. Et nous sortons, tout le monde sait que ces gens-là étaient dans la sorcellerie. Vous savez la peur, la terreur qui va être ici dehors? Les gens vont fuir. Ils valent quoi? 3 000, dit Bas, Mungili Naïch. Mais quand on dit que ce sont des chrétiens, ils avaient trois semaines de prière. Bon, c'est un non-événement. Bien aimé, nous devons créer la terreur. Quand nous sortons, on sent qu'ils sont sortis. Ils sont sortis. Que Dieu nous aide. Vous êtes des porteurs de salut. Vous êtes des flammes là où Dieu vous a établi. Monte encore et brille encore. Change l'environnement dans lequel tu es. Le monde n'a pas besoin seulement des apparences. Ta famille n'a pas besoin que tu avoies seulement l'argent. Il a besoin aussi que tu avoies la prière. Mon épouse et mes enfants n'ont pas besoin seulement que je travaille bien et bien coté. Ils ont besoin d'une couverture spirituelle. Lorsque nous étions ici dans la réunion des papas, on disait, il faut couvrir la famille. Il faut lui donner la couverture spirituelle. Banaenda bako kuzima. L'homme de Job, lorsque les enfants sortaient, la Bible dit qu'il allait à l'autel pour couvrir sa famille. Alléluia. Pour que lorsqu'ils entreront, ils soient comme des flèches. Église, nous avons besoin de la profondeur. Église, nous devons éviter la légèreté. On peut sentir dans la vie des frères de Joseph une légèreté. La haine et la jalousie prend place. Ils sont capables de se laisser manipuler par le diable jusqu'à tuer leurs frères. C'est ce que j'appelais la signification. Des hommes et des femmes, c'est lui qui porte leur gloire, mais le diable arrive à les manipuler pour qu'ils tuent ce qui fait leur force. Quand vous êtes distrait, le diable peut vous utiliser vous-même pour détruire ce qui fera votre force demain. C'est pourquoi ça arrive qu'on maltraite les enfants, on maltraite la femme, mais tu ne sais pas que c'est elle qui fait que tu sois ce que tu es. Ce n'est plus toi qui agis là, c'est le diable. Parce que si tu savais que ce sont ces gens qui portent la grâce qui est à toi, tu n'allais pas le faire. Comment un fidèle peut s'élever et commencer à parler mal de son pasteur alors que c'est lui qui le couvre dans les affaires? Ça, ce n'est plus lui. Ça, c'est l'esprit qui agit en lui. Un autre esprit. Oh, pasteur Ouetou, pasteur Ouetou, toi, tu parles mal de l'homme de Dieu, mais tu sais qui te couvre. La chose la plus simple, c'était de le bénir. Seigneur, bénis mon père, soutiens-les. Parce que lorsque nous voyons notre papa et qu'on dit c'est lui le pasteur de cette église, et quand on nous voit comme ça, on voit nos quelques voitures que nous avons, on dit ok, c'est l'honneur. Mais attention, ce sont des combats. Et donc église, on ne serait pas seulement là pour attendre qu'il nous prêche le dimanche, nous serons aussi là pour le soutenir dans la prière. Et dit Seigneur, que la bannière de l'âge de l'alliance reste toujours haut. Parce que les combats sont plus nombreux lorsque quelqu'un est élevé. Allô? Il y a des sorciers qui sont en train de dire il est Kanisi Sambalane et il Pasouk. Au nom de Jésus, il est Pasouk. Mais ils savent que c'est lui qui porte cette flamme. Il y a un homme qui le porte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir qu'est-ce qui fait notre force. Laissons la légèreté. Entrons dans la profondeur. Vous n'avez pas besoin qu'un pasteur le prêche ici pour comprendre que c'est important. C'est plus qu'important. Dieu attend beaucoup de nous. Nous allons manger, c'est vrai. Nous allons nous marier, c'est vrai. Mais au-delà du mariage, nous devons accomplir le plan de Dieu. Et il nous exige plus que ce que nous avons. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons nous arrêter là. Dieu nous fera grâce de parler d'autre chose après. Mais nous voulons dire que Dieu nous amène encore plus profond, plus loin dans la marche avec lui. Si l'ennemi a su utiliser les frères de Jacob, de Joseph, pour détruire celui qui portait leur grâce, nous, nous ne les ferons pas. Si le monde est prêt à faire l'impossible pour arrêter le vent contraire, nous, nous allons imposer le vent contraire. Parce que nous allons faire monter l'esprit. Lorsque nous allons chanter avec de belles tenues, nous n'allons pas chanter seulement parce que nous sommes à l'arche, mais l'esprit qui est derrière va changer les circonstances. Nous allons inviter notre papa pour la suite. Dans le Seigneur avant d'avoir le Seigneur. le premier pas dans cet appel de ce message, c'est la conversion authentique. Il faut se convertir de manière vraie. Je voudrais te donner l'opportunité, en effet, avant que nous puissions continuer à prier. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Voici le moment. Tu vas approfondir ta spiritualité avec qui? Qui as-tu? Si tel est ton cas, tu vas lever la main. Je prie rapidement avec toi et puis nous prions. Tu veux donner ta vie au Seigneur? Lève ta main là où tu te trouves. Nous regardons devant Dieu. On n'est pas devant un spectacle. Tu veux donner ta vie au Seigneur? Lève la main, je vais prier avec toi. Merci. Merci. Lève ta main, je vais prier avec toi. Levez-vous là où vous êtes, vous qui avez levé les mains, nous prions rapidement avec vous. Et puis on continue le programme. Priez avec moi et dites: Seigneur mon Dieu, ce matin, je suis venu devant toi et je décide de naître de nouveau. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur et sauve-moi. J'ai besoin de monter en hauteur, mais je ne pourrai pas si tu n'es pas dans ma vie. Je t'offre ma vie, Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Sauve-moi. Je veux vivre. Viens dans mon cœur. Pardonne mon passé coupable. À partir de maintenant, je vais marcher avec toi. Merci pour ton objectif de depuis le commencement. Tu voulais ça. Je n'avais pas compris à temps. Maintenant, je comprends. Prends ma vie. Valorise-moi. Valorise mon être intérieur. Valorise mon existence. Valorise ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. À la fin du culte, vous allez vous diriger au département d'évangélisation pour quelques conseils avant de partir. Nous nous levons tous ensemble. Bien-aimés, ce message, c'est un message de l'heure. Quand vous observez comment la société est en train de décliner, on peut avoir l'impression que ça vient de soi, que c'est normal. En réalité, c'est le résultat du travail assidu des gens de l'autre côté. Quel travail? Le travail dans l'esprit. Mais quel esprit? L'esprit du diable. Pourquoi sommes-nous ici? C'est pour le travail dans l'esprit. Mais l'esprit de qui? L'Esprit de Dieu. Ce matin, quelqu'un doit prendre une décision et une résolution de travailler sur lui-même, de changer. On doit abandonner la négligence, la bassesse, la médiocrité, le vice. Nous nous disons chrétiens, mais est-ce que nous comprenons l'appel de Dieu sur notre vie? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en tant que chrétien? Si la situation sociale décline en présence de l'Église, l'Église, si elle comprend ce message, peut faire que la situation sociale remonte. Si le moral dans la société devient insupportable, C'est parce que ceux qui travaillent sur ça montent spirituellement. Si nous, qui travaillons pas, nous travaillons sur les vertus, qui sommes chargés de répandre Dieu, de répandre ce qui est de Dieu, nous travaillons aussi sérieusement, nous pouvons faire que la situation morale de la société remonte. C'est une question d'esprit, c'est une question de sérieux, c'est une question de l'autorité de Dieu qui trouve de l'espace pour s'installer dans notre existence. Est-ce que Dieu peut trouver un peu plus d'espace pour s'installer en toi? Lève nos mains devant Dieu. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole. Mais tu sais, nous avons sombré dans la frivolité, dans la légèreté. Ce matin, nous nous repentons. Prie avec moi. Dites, Seigneur mon Dieu, je voudrais retourner à ma place devant ta face. J'ai longtemps erré avec un cœur rebelle, rebelle à l'Église, rebelle à ta parole, rebelle à l'Esprit. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je prends l'engagement de retourner à ma place devant toi pour te servir avec authenticité, pour jouer mon rôle de chrétien, d'enfant de Dieu vrai, d'enfant de Dieu authentique. Je veux être vrai, Seigneur. Sanctifie-moi par ton sang, par la puissance de l'Esprit, et remonte-moi, Seigneur. Mon cœur, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, nous devons remonter. Mon âme, écoute le Seigneur et incline-toi devant le Seigneur. Car les temps sont mauvais et nous devons laisser un impact. Nous devons changer la société. Nous devons changer, renverser la situation. Mon Dieu, tiens-moi la main et amène-moi dans la plénitude de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour le privilège de te donner. Tu es si riche. Tout est à toi. Qu'est-ce que c'est que ce que nous pouvons te donner? Merci de nous donner la grâce de te donner. Accepte et agrée notre offrande. Et bénis chacun de nous en retour. Seigneur, tu as promis. Mettez-moi ici en l'épreuve. Vous verrez que j'ouvrirai les écluses des cieux. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ton peuple. Et que ta rosée descende. Que tes bienfaits descendent et que la puissance de ta grâce multiple se répande dans l'Église, dans nos familles, dans notre ville, dans notre pays, dans notre société. Yahweh Dieu, bénis les entreprises, épanouis les initiatives, épanouis les initiatives, épanouis Seigneur l'emploi et promouvois, sécurise et donne à tes enfants de prospérer en tous égards. Comme prospère l'état de nos âmes. Au nom de Jésus, amen. Amen.